nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Gilbert Lely fut un des grands poètes du XXe siècle. Il a attaché son nom à celui du Marquis de Sade, dont il édita la correspondance et préfaça la plupart des œuvres éditées en 1018. Ainsi par exemple, un petit volume très important qui rassemble les textes de Sade sur l'athéisme et intitulé « Discours contre Dieu ». Mais Gilbert Lely était aussi un homme de radio qui consacra au Marquis de Sade une belle série d'émissions intitulée « La liberté coupable », dont une que nous entendons ici et qui porte sur l'athéisme de Sade. RTF, France 3 Nationale présente La liberté coupable. La liberté coupable. Première série, Le Marquis de Sade. Une émission de Gilbert Lely. Ce soir, dialogue entre un prêtre et un moribond. Avec Pierre Assaut, René Clermont, Robert Parti, Gilbert Lely, Anne Pérez et Renaud Marie, dans le rôle du Marquis de Sade. Prise de son Sam Niaswiski. Réalisation Alain Barou. Le dialogue entre un prêtre et un moribond, composé au donjon de Vincennes pendant l'été de 1782, a été découvert par Maurice Heine et publié par lui en 1926. Sade a-t-il jamais mis au net son dialogue, dont l'éloquence harmonieuse et ironique rappelle souvent le divin Platon? Sous la forme où nous le connaissons, il est, ainsi que l'a noté son premier éditeur, d'une écriture ferme, nette, peu raturée. Dans un exhaustif avant-propos, Maurice Heine oppose le caractère irréductible de l'athéisme du marquis au concept antireligieux dont ses contemporains nous ont fourni l'expression timorée « déisme libre et croyance en une nature bienfaisante ». Dans les ouvrages publiés sous leur nom, Diderot et d'Alembert ne sont pas tendres à l'égard de l'athéisme dont les suspectent leurs dangereux adversaires, ni des athées, ces fâcheux dont la brutale franchise risque de tout compromettre. La philosophie les abandonne, pis encore, elles prononcent leur condamnation, réclament leur exécution. L'homme le plus tolérant ne disconviendra pas que le magistrat n'ait le droit de réprimer ceux qui osent professer l'athéisme, et de les faire périr même s'il ne peut autrement en délivrer la société. S'il peut punir ceux qui font du tort à une seule personne, il a sans doute autant de droit de punir ceux qui en font à toute une société en niant qu'il y ait un Dieu. On peut regarder un homme de cette sorte comme l'ennemi de tous les autres. Quand l'encyclopédie n'hésite pas à prononcer un tel verdict, blâmera-t-on les circonspectes réserves d'un Lamétrie ou l'amende honorable d'un Helvétius après la condamnation de son livre de l'esprit? L'un et l'autre pouvaient redouter les arrêts du droit naturel rendus par leurs amis autant pour le moins que les foudres du Parlement dirigées par leurs adversaires. Ce n'est pas sans raison que Sylvain Maréchal signalait au XIXe siècle naissant, dans son dictionnaire des athées, combien le XVIIIe, avec toutes ses lumières ou ses prétentions, ses idées libérales ou ses hardiesses, fut encore servile et routinier dans ses opinions. Ce dur jugement resterait sans appel si le marquis de Sade n'avait existé, ou si son œuvre, persécutée comme sa personne, n'avait en partie échappé à la rage des destructeurs. Qu'on ne perde point de vue que Sade est un absolu, et qu'il va droit devant lui jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'à l'extrême limite de ses conséquences logiques. Il n'écrit pas seulement chaque fois qu'il le peut que Dieu n'est pas. Il pense et agit constamment, il teste et meurt en conséquence. Et cette inébranlable certitude de son orgueil est sûrement ce qu'on lui a le moins pardonné. Mais c'est alors qu'il atteint au sommet et que ses imprécations valent des prières. « Oh, toi qui, dit-on, as créé tout ce qui existe dans le monde, toi dont je n'ai pas la moindre idée, toi que je ne connais que sur parole et sur ce que des hommes qui se trompent tous les jours peuvent m'avoir dit, être bizarre et fantastique que l'on appelle Dieu, je déclare formellement, authentiquement, publiquement, que je n'ai pas dans toi la plus légère croyance. » Et cela par l'excellente raison que je ne trouve rien qui puisse me persuader une existence absurde dont rien au monde n'atteste la solidité. Les citations de Sade sur un pareil objet pourraient se multiplier pendant des dizaines de pages. La dernière manifestation écrite de l'athéisme vigoureux de Sade, du moins parmi ces textes qui ont échappé à la destruction, se trouve contenue dans ses cahiers personnels, publiés récemment par nos soins. Il s'agit du morceau intitulé « Fantôme », rédigé en 1803. C'est un plaisir de haut goût d'imaginer M. de Sade feuilletant pour la première fois les 5 volumes in octavo du génie du christianisme. Quelles exclamations de rage la seule lecture des sous-titres ne dut-elle pas lui arracher ? Existence de Dieu prouvée par les merveilles de la nature, immortalité de l'âme prouvée par la morale et le sentiment. Aussi bien trouvons-nous dans les cahiers personnels une phrase où Chateaubriand est injurieusement compté au nombre des suppôts de la tonsure et cité sans distinction parmi des écrivains de troisième ordre tels que Legouvé et Luns de Lancival. Cependant, fin avril 1802, quelques jours après la mise en vente du génie du christianisme, un tédéum solennel célébrait à Notre-Dame la promulgation du Concordat. Ce fut vers cette époque, selon toute vraisemblance, que la passion anti-religieuse du marquis, exacerbée par la renaissance de la foi, lui souffla le dessein de réunir dans un ouvrage méthodique la somme des arguments que son athéisme lui avait dictés, depuis le dialogue entre un prêtre et un moribond jusqu'à l'histoire de Juliette. De la réfutation de Fénelon, c'est-à-dire de la réfutation du traité de l'existence de Dieu, mentionné au catalogue général de 1803-1804, nous ne connaîtrions que le titre, si les cahiers ne nous livraient le morceau intitulé « Fantôme », lequel, on en jugera par la phrase que l'on va entendre, paraît bien constituer le préambule d'un tel ouvrage. « Exécrable avorton !» s'écrit Sade en s'adressant à Dieu. « Exécrable avorton, je devrais t'abandonner à toi-même, te livrer au mépris que tu inspires seul, et cesser de te combattre de nouveau dans les rêveries de Fénelon, mais j'ai promis de remplir la tâche, je tiendrai parole. » Une note relative à ma détention qui enrichit d'éléments nouveaux l'histoire des tortures morales éprouvées par le captif de Vincennes et de la Bastille, est suivie de réflexions d'un intérêt exceptionnel concernant la première Justine. On n'ignore pas que M. de Sade s'est toujours défendu, contre toute vraisemblance, d'avoir écrit ce roman. Plus que jamais en 1803, il lui appartenait de soutenir son désaveu, puisque c'est comme auteur d'un tel ouvrage qu'il était séquestré depuis une trentaine de mois. Mais la curieuse plaidoirie que nous offrent les cahiers personnels contient des arguments si vifs, si haletants de passion sincère, que plus on les soumet à l'examen, plus on se trouve fondé à croire qu'en ce début du XIXe siècle où s'annonçait la revanche des prêtres, le marquis s'est vitupéré soi-même d'avoir servi par malencontre la cause des défenseurs de Dieu en livrant au public le roman de Justine dont tous les héros corrompus sont des philosophes athées. Qu'on lise Justine avec attention, et l'on verra que par une impardonnable maladresse, par un procédé bien fait, comme cela est arrivé, pour brouiller l'auteur avec les sages et les fous, avec les bons et les méchants, tous les personnages philosophes de ce livre sont gangrénés de scélératesse. Cependant, je suis philosophe. Tous ceux qui me connaissent ne doutent pas que je n'en fasse gloire et profession. Et peut-on admettre un instant, à moins de me supposer un fou, peut-on, dis-je, supposer une minute que j'aille putréfier d'horreur et d'exécration le caractère dont je m'honore le plus? Que diriez-vous d'un homme qui irait exprès tremper dans la boue l'habit qu'il aimerait le mieux et dont il tirerait le plus de vanité? Cette ineptie tombe-t-elle sous le sens? Voit-on de telles choses dans mes autres ouvrages? Il n'est donc pas vrai que Justine soit de moi. Je dis plus. Il est impossible qu'elle en soit. J'ajouterai ici quelque chose de plus fort. C'est qu'il est singulier que toute la tourbe dévotieuse, tous les Geoffroy, les Genlis, les Legouvet, les Chateaubriand, les Larpe, les Luce de Lancival, les Vilterc, que tous ces braves suppôts de la tonsure se soient déchaînés contre Justine, tandis que ce livre leur donnait précisément gain de cause. Ils eussent payé pour avoir un ouvrage aussi bien fait que celui-là pour dénigrer la philosophie, qu'ils ne fussent point parvenus à l'avoir. Et je jure, sur tout ce que j'ai de plus sacré au monde, que je ne me pardonnerai jamais d'avoir servi des individus si prodigieusement méprisés de moi. 3 ans plus tard, en 1805, dans son second supplément au Dictionnaire des athées, l'astronome Lalande fournira le motif d'une exclusion dont le marquis de Sade a dû souffrir en maintes circonstances. Je voudrais pouvoir citer M. de Sade. Il a bien assez d'esprit, de raisonnement, d'érudition. Mais ces infâmes romans de Justine et de Juliette le font rejeter d'une secte où l'on ne parle que de vertu. Avant de vous faire entendre le dialogue entre un prêtre et un moribond, nous céderons la parole à M. Antoine Adam, professeur à la Sorbonne, auteur d'une monumentale histoire de la littérature française du XVIIe siècle et qui travaille en ce moment à une histoire de la littérature française du XVIIIe siècle. L'un des traits de l'athéisme de Sade qui nous frappe le plus aujourd'hui, c'est son caractère passionné et blasphématoire. Ce sont les injures qu'il s'acharne à jeter à la face de Dieu. « Ô Juliette, s'écrie Madame Delben, oublie-la, méprise-la, l'idée de ce Dieu vain et ridicule. » Bien plus tard, en 1803, à une époque où nous pourrions croire que Sade considère les choses avec plus de sérénité, le fragment intitulé « Fantôme » dont Gilbert Lely nous a parlé tout à l'heure, prouve que la haine du marquis à l'égard de Dieu ne s'est pas calmée. Nos beaux esprits d'aujourd'hui se plaisent à citer ces blasphèmes, parce qu'ils y découvrent que Sade n'ignore donc pas Dieu, et que pour insulter un être avec tant de fureur, il faut qu'inconsciemment il continue à croire à son existence. D'autres, et non point Sade seulement, mettait de la passion à bafouer l'idée de Dieu. Une lettre d'Alessandro Verri, récemment publiée, nous apprend que depuis la mort de sa première femme, le baron d'Holbach était, comme il disait, devenu un athéiste furieux. Qu'on ne vienne donc pas nous parler d'une ambivalence de l'athéisme de Sade, qui aboutirait à diminuer la ferme netteté de ses négations. Qu'on ne rapproche pas trop de Sade sous prétexte de l'expliquer, les héros byroniens de l'époque romantique, dont la révolte contre Dieu garde quelque chose d'ambigu. Bien plus simplement, Sade, comme d'Holbach, comme Maréchal, rend la croyance en Dieu responsable d'une grande partie des maux dont l'humanité est accablée. Tout l'essentiel de ce qu'on peut appeler la pensée de Sade, tout ce qu'il a défini en face des autres formes de l'athéisme, se trouve affirmé hautement en des formules sans faiblesse. Car il existe une pensée de Sade. S'il est d'accord avec les athées de son siècle pour substituer à l'idée de Dieu celle de nature, si par conséquent il est amené à soutenir que tout ce qui est naturel est légitime, il donne désormais aux mots de nature et de naturel une signification qui lui est personnelle. en 1782. Il reconnaissait déjà, il disait déjà, dans le dialogue entre un prêtre et un moribond, que la nature a un égal besoin de vice et de vertu. Il est clair que plus tard, la nature, à ses yeux, se plaît bien mieux dans le vice, parce que le vice est corruption et mort. En 1797, dans la Nouvelle Justine, le chimiste Almani évoque la nature uniquement occupée à nuire aux hommes. Il la peint vorace, destructrice et méchante. Il en viendra dans Juliette à injurier la nature, comme depuis quelques années, il se plaisait à injurier Dieu. Non plus exaltation de la nature, par conséquent, substituée à l'adoration de Dieu, mais malédiction lancée contre la nouvelle idole, aussi bien que contre l'autre. La démarche essentielle de Sade est là. C'est elle qui lui donne sa figure propre parmi les autres doctrinaires de l'athéisme. C'est elle qui explique ses romans et révèle en eux non pas simplement la transposition des rêves érotiques d'un malade psychique, ni l'humour noir d'un surréaliste avant la lettre, mais aussi, et peut-être surtout, l'application volontairement monstrueuse d'une philosophie de la nature. Écoutons « Dialogue entre un prêtre et un moribond » écrit par le prisonnier Sade en sa cellule du donjon de Vincennes. Arrivé à cet instant fatal, où le voile de l'illusion ne se déchire que pour laisser à l'homme séduit le tableau cruel de ses erreurs et de ses vices. Ne vous repentez-vous point, mon enfant, des désordres multipliés où vous ont emporté la faiblesse et la fragilité humaine. Oui, mon ami, je me repens. Eh bien, profitez de ces remords heureux pour obtenir du ciel, dans le court intervalle qui vous reste, l'absolution générale de vos fautes. Et songez que ce n'est que par la médiation du très saint sacrement de la pénitence qu'il vous sera possible de l'obtenir de l'Éternel. Je ne t'entends pas plus que tu ne m'as compris. Et quoi ? Je t'ai dit que je me repentais. Je l'ai entendu. Oui, mais sans le comprendre. Quelle interprétation ! La voici. Créé par la nature avec des goûts très vifs, avec des passions très fortes, uniquement placé dans ce monde pour m'y livrer et pour les satisfaire, et ces effets de ma création n'étant que des nécessités relatives aux premières vues de la nature, ou, si tu l'aimes mieux, que des dérivaisons essentielles à ses projets sur moi, tous en raison de ses lois, je ne me repens que de n'avoir pas assez reconnu sa toute-puissance. Et mes uniques remords ne portent que sur le médiocre usage que j'ai fait des facultés criminelle, selon toi, toute simple, selon moi, qu'elle m'avait donnée pour la servir. Je lui ai quelquefois résisté, je m'en repens. Aveuglé par l'absurdité de tes systèmes, j'ai combattu par eux toute la violence des désirs que j'avais reçus par une inspiration bien plus divine, et je m'en repens. Je n'ai moissonné que des fleurs quand je pouvais faire une ample récolte de fruits. Voilà les justes motifs de mes regrets. Estime-moi assez pour ne m'en pas supposer d'autre. Où vous entraînent vos erreurs, où vous conduisent vos sophismes. Vous prêtez à la chose créée toute la puissance du Créateur. Et ces malheureux penchants qui vous ont égarés, vous ne voyez pas qu'ils ne sont que des effets de cette nature corrompue à laquelle vous attribuez la toute-puissance. Ami, Il me paraît que ta dialectique est aussi fausse que ton esprit. Je voudrais que tu raisonnasses plus juste ou que tu me laissasses mourir en paix. Qu'entends-tu par créateur et qu'entends-tu par la nature corrompue? Le créateur est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout fait, tout créé, et qui conserve tout par un simple effet de sa toute-puissance. Voilà un grand homme, assurément. Eh bien, dis-moi pourquoi cet homme-là, qui est si puissant, a pourtant fait, selon toi, une nature corrompue. Quel mérite eussent-tu les hommes, si Dieu ne leur eût pas laissé leur libre arbitre? Et quel mérite eussent-ils eu à en jouir, s'il n'y eût eu sur la terre la possibilité de faire le bien et celle d'éviter le mal? Ainsi, ton Dieu a voulu faire tout de travers uniquement pour tenter ou pour éprouver sa créature. Il ne la connaissait donc pas? Il ne se doutait donc pas du résultat? Il la connaissait sans doute. Mais encore un coup, il voulait lui laisser le mérite du choix. À quoi bon? Dès qu'il savait le parti qu'elle prendrait et qu'il ne tenait qu'à lui, puisque tu le dis tout puissant, qu'il ne tenait qu'à lui, dis-je, de lui faire prendre le bon. Qui peut comprendre les vues immenses et infinies de Dieu sur l'homme? Et qui peut comprendre tout ce que nous voyons? Celui qui simplifie les choses, mon ami. Celui surtout qui ne multiplie pas les causes pour mieux embrouiller les effets. Qu'as-tu besoin d'une seconde difficulté quand tu ne peux pas expliquer la première? Et dès qu'il est possible que la nature toute seule ait fait ce que tu attribues à ton Dieu, pourquoi veux-tu aller lui chercher un maître? La cause de ce que tu ne comprends pas est peut-être la chose du monde la plus simple. Perfectionne ta physique et tu comprendras mieux la nature. Épure ta raison, bannis tes préjugés et tu n'auras plus besoin de ton Dieu. Malheureux, je ne te croyais que socinien. J'avais des armes pour te combattre. Mais je vois bien que tu es athée. Et dès que ton cœur se refuse à l'immensité des preuves authentiques que nous recevons chaque jour de l'existence du Créateur, je n'ai plus rien à te dire. On ne rend point la lumière à un aveugle. Mon ami, convient d'un fait. C'est que celui des deux qui l'est le plus doit assurément être plutôt celui qui se met un bandeau que celui qui se l'arrache. Tu édifies, tu inventes, tu multiplies. Moi, je détruis. Je simplifie. Tu ajoutes erreur sur erreur, moi je les combats toutes. Lequel de nous deux est l'aveugle? Vous ne croyez donc point en Dieu? Non. Et cela par une raison bien simple, c'est qu'il est parfaitement impossible de croire ce qu'on ne comprend pas. Entre la compréhension et la foi, il doit exister des rapports immédiats. La compréhension est le premier aliment de la foi. Où la compréhension n'agit point, la foi est morte. Et ceux qui, dans tel cas, prétendraient en avoir, en imposent. Je te défie toi-même de croire au Dieu que tu me prêches, parce que tu ne saurais me le démontrer, parce qu'il n'est pas en toi de me le définir, que par conséquent tu ne le comprends pas, que dès que tu ne le comprends pas, tu ne peux plus m'en fournir aucun argument raisonnable, et qu'en un mot, tout ce qui est au-dessus des bornes de l'esprit humain est ou chimère ou inutilité. Que ton Dieu ne pouvant être que l'une ou l'autre de ces choses, dans le premier cas, je serais un fou d'y croire, un imbécile dans le second. Mon ami, prouve-moi l'inertie de la matière et je t'accorderai le Créateur. Prouve-moi que la nature ne se suffit pas à elle-même et je te permettrai de lui supposer un maître. Jusque-là, n'attends rien de moi, je ne me rends qu'à l'évidence et je ne la reçois que de mes sens. Où il s'arrête, ma foi reste sans force. Je crois le soleil, parce que je le vois. Je le conçois comme le centre de réunion de toute la matière inflammable de la nature. Sa marche périodique me plaît, sans m'étonner. C'est une opération de physique, peut-être aussi simple que celle de l'électricité, mais qui ne nous est pas permis de comprendre. Qu'ai-je besoin d'aller plus loin? Lorsque tu m'auras échafaudé ton Dieu au-dessus de cela, en serais-je plus avancé? Et ne me faudra-t-il pas encore autant d'efforts pour comprendre l'ouvrier que pour définir l'ouvrage? Par conséquent, tu ne m'as rendu aucun service par l'édification de ta chimère. Tu as troublé mon esprit, mais tu ne l'as pas éclairé. Et je ne te dois que de la haine au lieu de reconnaissance. Ton Dieu est une machine que tu as fabriquée pour servir tes passions, et tu l'as fait mouvoir à leur gré. Mais dès qu'elle gêne les miennes, trouve bon que je l'ai culbuté. Et dans l'instant où mon âme faible a besoin de calme et de philosophie, Ne viens pas l'épouvanter de tes sophismes, qui l'effraieraient sans la convaincre, qui l'irriteraient sans l'en rendre meilleure. Elle est, mon ami, cette âme, ce qu'il a plu à la nature qu'elle soit, c'est-à-dire le résultat des organes qu'elle s'est plu de me former en raison de ses vues et de ses besoins. Et comme elle a un égal besoin de vice et de vertu, quand il lui a plu de me porter au premier, elle l'a fait. Quand elle a voulu les secondes, elle m'en a inspiré les désirs, et je m'y suis livré tout de même. Ne cherche que ces lois pour unique cause à notre inconséquence humaine, et ne cherche à ces lois d'autres principes que ses volontés et ses besoins. Ainsi donc, tout est nécessaire dans le monde. Assurément. Mais si tout est nécessaire, tout est donc réglé. Qui te dit le contraire ? Qui peut régler tout comme il l'est si ce n'est une main toute puissante et toute sage ? N'est-il pas nécessaire que la poudre s'enflamme quand on y met le feu ? Oui. Et quelle sagesse trouves-tu à cela ? Aucune. Il est donc possible qu'il y ait des choses nécessaires sans sagesse, et possible par conséquent que tout dérive d'une cause première, sans qu'il n'y ait ni raison ni sagesse dans cette première cause. Où en voulez-vous venir ? À te prouver que tout peut être ce qu'il est et ce que tu le vois, sans qu'aucune cause sage et raisonnable le conduise, et que des effets naturels doivent avoir des causes naturelles, sans qu'il soit besoin de leur en supposer d'antinaturelles, telles que le serait ton Dieu qui, lui-même, ainsi que je te l'ai déjà dit, aurait besoin d'explications sans en fournir aucune. Et que par conséquent, dès que ton Dieu n'est bon à rien, il est parfaitement inutile. Qu'il y a grande apparence que ce qui est inutile est nul, et que tout ce qui est nul est néant. Ainsi, pour me convaincre que ton Dieu est une chimère, je n'ai besoin d'aucun autre raisonnement que celui que me fournit la certitude de son inutilité. Sur ce pied-là, il me paraît peu nécessaire de vous parler de religion. Pourquoi pas ? Rien ne m'amuse comme la preuve de l'excès où les hommes ont pu porter sur ce point-là le fanatisme et l'imbécilité. Ce sont de ces espèces d'écarts si prodigieux que le tableau, selon moi, quoique horrible, en est toujours intéressant. Réponds avec franchise et surtout, bannis l'égoïsme. Si j'étais assez faible que de me laisser surprendre à tes ridicules systèmes sur l'existence fabuleuse de l'être qui rend la religion nécessaire, sous quelle forme me conseillerais-tu de lui offrir un culte? Voudrais-tu que j'adoptasse les rêveries de Confucius plutôt que les absurdités de Brahma ? Adorerais-je le grand serpent des nègres, l'astre des Péruviens ou le dieu des armées de Moïse ? À laquelle des sectes de Mahomet voudrais-tu que je me rendisse ? Ou quelle hérésie de chrétien serait selon toi préférable ? Prends garde à ta réponse. Peut-elle être douteuse ? La voilà donc égoïste. Non. C'est aimer autant que moi que de te conseiller ce que je crois. Et c'est nous aimer bien peu tous deux que d'écouter de pareilles erreurs. Et quoi ? Les prophéties, les miracles, les martyrs, tout cela ne sont pas des preuves. Comment veux-tu en bonne logique que je puisse recevoir comme preuve tout ce qui en a besoin soi-même ? Pour que la prophétie devint preuve, il faudrait d'abord que j'eusse la certitude complète qu'elle a été faite. Or, cela étant consigné dans l'histoire, ne peut plus avoir pour moi d'autre force que tous les autres faits historiques, dont les trois quarts sont fort douteux. Si à cela j'ajoute encore l'apparence plus vraisemblable, qu'ils ne me sont transmis que par des historiens intéressés, je serai, comme tu vois, plus qu'en droit de douter. Qui m'assurera d'ailleurs que cette prophétie n'a pas été faite après coup ? Qu'elle n'a pas été l'effet de la combinaison de la plus simple politique, comme celle qui voit un règne heureux sous un roi juste, ou de la gelée dans l'hiver ? Et si tout cela est, comment veux-tu que la prophétie ayant un tel besoin d'être prouvée puisse elle-même devenir une preuve ? Mais enfin, vous admettez bien quelque chose après cette vie. Il est impossible que votre esprit ne se soit pas quelquefois plu à percer l'épaisseur des ténèbres du sort qui nous attend. Et quel système peut l'avoir mieux satisfait que celui d'une multitude de peines ? Pour celui qui vit mal, et d'une éternité de récompense pour celui qui vit bien. Quel, mon ami ? Celui du néant. Jamais il ne m'a effrayé, et je n'y vois rien que de consolant et de simple. Tous les autres sont l'ouvrage de l'orgueil, Celui-là seul l'est de la raison. D'ailleurs, il n'est ni affreux ni absolu, ce néant. N'ai-je pas sous mes yeux l'exemple des générations et régénérations perpétuelles de la nature ? Rien ne périt, mon ami. Rien ne se détruit dans le monde. Aujourd'hui, homme, demain, ver, après-demain, mouche, n'est-ce pas toujours existé ? Et pourquoi veux-tu que je sois récompensé de vertus auxquelles je n'ai nul mérite, ou puni de crimes dont je n'ai pas été le maître ? Peux-tu accorder la bonté de ton prétendu Dieu avec ce système ? Et peut-il avoir voulu me créer pour se donner le plaisir de me punir ? Et cela seulement en conséquence d'un choix dont il ne me laisse pas le maître. Mais vous l'êtes. Oui, selon tes préjugés. Mais la raison les détruit. Et le système de la liberté de l'homme ne fut jamais inventé que pour fabriquer celui de la grâce, qui devenait si favorable à vos rêveries. Quel est l'homme au monde qui, voyant l'échafaud à côté du crime, le commettrait, s'il était libre de ne pas le commettre ? Nous sommes entraînés par une force irrésistible, et jamais un instant, maître de pouvoir nous déterminer pour autre chose que pour le côté vers lequel nous sommes inclinés. Il n'y a pas une seule vertu qui ne soit nécessaire à la nature. Irréversiblement, pas un seul crime dont elle n'ait besoin. Et c'est dans le parfait équilibre qu'elle maintient des uns et des autres que consiste toute sa science. Mais pouvons-nous être coupables du côté dans lequel elle nous jette ? Pas plus que ne l'est la guêpe qui vient darder son aiguillon dans ta peau. Ainsi donc, le plus grand de tous les crimes ne doit nous inspirer aucune frayeur. Ce n'est pas là ce que je dis. Il suffit que la loi le condamne et que le glaive de la justice le punisse pour qu'il doive nous inspirer de l'éloignement ou de la terreur. Mais dès qu'il est malheureusement commis, il faut savoir prendre son parti et ne pas se livrer aux stériles remords. Son effet est vain, puisqu'il n'a pu nous en préserver. Nul, puisqu'il ne le répare pas. Il est donc absurde de s'y livrer, et plus absurde encore de craindre d'en être puni dans l'autre monde, si nous sommes assez heureux que d'avoir échappé de l'être en celui-ci. À Dieu ne plaise que je veuille par là encourager au crime. Il faut assurément l'éviter tant qu'on le peut. Mais c'est par raison qu'il faut savoir le fuir, et non par de fausses craintes qui n'aboutissent à rien, et dont l'effet est sitôt détruit dans une âme un peu ferme. La raison, oui, mon ami. La raison toute seule doit nous avertir que de nuire à ses semblables ne peut jamais nous rendre heureux. Et notre cœur, que de contribuer à leur félicité, est la plus grande pour nous que la nature nous ait accordée sur la terre. Toute la morale humaine est renfermée dans ce seul mot. Rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même et ne leur jamais faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir. Voilà, mon ami. Voilà les seuls principes que nous devions suivre. Et il n'y a besoin ni de religion, ni de Dieu pour goûter et admettre cela. Il n'est besoin que d'un bon cœur. Mais je sens que je m'affaiblis, prédicant. Quitte tes préjugés. Sois homme. Sois humain, sans crainte et sans espérance. Laisse là tes dieux et tes religions. Tout cela n'est bon qu'à mettre le fer à la main des hommes. Et le seul nom de toutes ces horreurs a plus fait verser de sang sur la terre que toutes les autres guerres et les autres fléaux à la fois. Renonce à l'idée d'un autre monde. Il n'y en a point. Mais ne renonce pas au plaisir d'être heureux et d'en faire en celui-ci. Voilà la seule façon que la nature t'offre de doubler ton existence ou de l'étendre. Mon ami, la volupté fut toujours le plus cher de mes biens. Je l'ai encensée toute ma vie et j'ai voulu la terminer dans ses bras. Ma fin approche. 6 femmes plus belles que le jour sont dans ce cabinet voisin. Je les réservais pour ce moment-ci. Prends-en ta part. Tâche d'oublier sur leur sein, à mon exemple, tous les vains sophismes de la superstition et toutes les imbéciles erreurs de l'hypocrisie. Le moribond sonna. Les femmes entrèrent. Et le prédicant devint dans leurs bras un homme corrompu par la nature, pour n'avoir pas su expliquer ce que c'était que la nature corrompue. Dans le livre de Pierre Klossowski intitulé « Sade, mon prochain », on assiste pour la première fois à la recherche du contenu latent de l'œuvre de Sade, en des pages où, paradoxalement, l'esprit chrétien ne laisse pas de féconder une profonde investigation psychanalytique. Or, 3 ans après la publication de cet essai, en 1948, on pouvait lire, dans un recueil de lettres inédites de Sade intitulé « L'aigle mademoiselle », une étrange prière du soir, écrite à Vincennes en 1782 et qui semblait à première vue très propre à étayer la théorie de Pierre Klossowski relative à l'ambivalence des sentiments anti-religieux du marquis de Sade. « Oh mon Dieu, je n'ai qu'une grâce à vous demander et vous ne voulez pas me l'accorder quelque instant que soient mes prières. Cette grâce... cette faveur insigne serait, ô mon Dieu, de ne pas choisir pour mes correcteurs des hommes encore plus méchants que moi, de ne pas livrer celui qui n'est coupable que de très ordinaires et très minces écarts à des coquins endurcis dans le crime qui, se moquant de vos lois, se font un jeu de les enfreindre à tous les instants du jour. Mettez ma destinée, ô mon Dieu, entre les mains de la vertu. Elle est votre image sur terre, et ce n'est qu'à ceux qui la respectent à se mêler de réformer le vice. Ô le meilleur des êtres, ne choisissez pas pour mes régents un monopoleur, un voleur de pauvres, un banqueroutier, un sodomite, un flibustier, un alguazil de l'Inquisition de Madrid, un jésuite défroqué et une maquerelle. Puisqu'il faut que je sois sacrifié, ô mon Dieu, puisqu'il est écrit dans votre grand livre que vous m'avez fait naître pour servir d'entretien à des garces et de pâture à des porcs, et que vous savez mieux que personne que je ne peux retirer de là d'autres fruits que de devenir plus mauvais que je n'étais en raison du supplément de haine que je serais obligé d'avoir pour mes frères. Que mon exemple, au moins, par votre saint pouvoir, puisse servir à mes compatriotes, et que les vils scélérats que je viens de nommer, voyant par le peu de succès de leurs remèdes sur moi l'impossibilité de voiler désormais leurs horreurs sous le masque d'une aussi chimérique équité, imaginent enfin d'autres moyens pour asservir leurs semblables au prodigieux dérèglement de leur vengeance et de leur cupidité. Amen. Fructus belli. Fructus belli, les fruits de la guerre. Cette expression signifie certainement dans l'esprit de Sade: à quel moyen de défense me vois-je réduit? Pour marquer le degré d'injustice de mes ennemis et flétrir leur cruauté, je suis contraint de me servir d'une notion que j'aborde. Pour faire éclater leur hypocrisie, il me faut les combattre avec leurs armes hideuses, invoquer ce dieu absurde au nom duquel ils osent me persécuter. Observons que dans une lettre écrite 1 an plus tôt, le marquis se sert également de l'idée de Dieu pour convaincre d'imposture sa belle-mère, la présidente de Montreuil, et lui donner de l'effroi. Il est essentiel de noter au surplus, pour la saine interprétation de cette prière, que 3 mois seulement la séparent du dialogue entre un prêtre et un moribond, que Sade avait terminé le 13 juillet 1782. Mais puisque la réalité de l'athéisme de Sade a pu être mise en question, nous voudrions qu'il nous fût permis d'envisager un autre aspect du problème. Nous nous élèverons tout d'abord contre l'affirmation de Pierre Klossowski, dont nous devons nous empresser de dire que le livre paru en 1947 demeure toujours à nos yeux un bouleversant hommage à l'auteur des 120 journées de Sodome. Dieu, la présence de cet excipient métaphysique dans Sade, mon prochain, de même que dans la pesanteur et la grâce de Simone Veil, n'a suscité en nous aucun malaise et ne saurait nous empêcher de tenir ces deux ouvrages pour généreux et d'admirer la profonde exigence intellectuelle qui a présidé à leur conception. Mais voici l'injuste propos que nous allons essayer de réfuter. Lorsque Sade déclare par la voix de l'un de ses personnages « Si l'athéisme veut des martyrs, qu'ils le disent, et mon sang est tout prêt. » Pierre Klossowski élève cette protestation. « C'est de la pure rhétorique. L'athéisme ne veut pas de martyrs, encore moins le sang de Sade. » Nous ignorons si l'athéisme ne veut pas de martyrs, mais nous savons fort bien qu'au cours du seul XVIe siècle, la torture et le bûcher lui en ont fourni sans relâche. Nous ne citerons qu'un exemple, Lucilio Vanini de Torrisano et sa noble langue, arrachée par une tenaille épiscopale. En ce qui touche le marquis de Sade, nous n'apercevons malheureusement aucune rhétorique dans son cri. Si, aux yeux de Klossowski, 30 années d'emprisonnement ne suffisent pas à valoir aux contempteurs de la divinité l'honneur d'être appelés martyrs, nous doutons cependant qu'il convienne de laisser ici la parole à Paul Claudel. On connaît son exclamation aussi puérile que peu charitable et très indigne de l'auteur du soulier de satin. C'est bien fait, au moins, qu'on ait mis Sade à l'ombre la moitié de sa vie. Quoi qu'il en puisse être, c'est bien pour avoir voulu passer outre aux impératifs moraux d'une société encore régie par l'Église que le marquis a vécu en prison la plus grande partie de son âge adulte et ses 14 dernières années. Si l'on pouvait douter de cette relation causale, l'apostrophe éloquente que l'on entendra dans un instant devrait être faite pour convaincre, mais il convient de préciser que l'athéisme de Sade, et c'est là l'objet même de ce propos, ne consiste pas dans le seul refus métaphysique des dogmes religieux. La révolte du marquis s'exerce avec une violence égale contre la tyrannie séculière de l'Église, contre les interdictions sociales qui, sous le régime des rois, résultent de son omnipotence. Oh non ! Non ! Sur tout ce que j'ai de plus sacré, jamais je ne croirai aux leçons des sectateurs d'un Dieu qui se croit permis d'outrager la créature pour honorer le Créateur. Bâtissez vos chapelles impies, adorez vos idoles, exécrables païens, mais tant que vous enfreindrez pour tout cela les plus saintes lois de la nature, souvenez-vous que vous ne me forcerez qu'à vous haïr et à vous mépriser. Si le marquis de Sade pouvait renaître de nos jours, la lutte anti-religieuse n'excéderait certainement pas pour lui les limites d'un tournoi philosophique. Et même, il y a tout lieu de supposer qu'elle cesserait de lui inspirer le plus maigre intérêt. À celui qui a qualifié Robespierre d'infâme, la polymorphie totalitaire de ces 30 dernières années fournirait sans aucun doute d'autres aliments de colère. Si l'athéisme de Sade se manifeste constamment avec une telle violence d'expression que Pierre Klossowski a cru pouvoir en inférer qu'il était de nature ambivalente, ce n'est pas purement et simplement, comme le soutient Maurice Blanchot, parce que le marquis, dans le vertige de la puissance et du désir, ne saurait accepter la honte de s'annuler devant Dieu. C'est aussi et avant tout, selon nous, parce que, sous le vocable d'athéisme, il faut entendre chez l'auteur de Justine et de Juliette une égale et furieuse réprobation de tout ce qui se présente à ses yeux comme une entrave à la liberté native de l'homme, qu'il s'agisse d'une tyrannie d'ordre religieux, politique ou intellectuel. Cet athéisme ramifié, qui intéresse l'essentiel de la condition humaine, nous semble suffisamment riche en considérants pathétiques pour qu'on puisse ne pas s'étonner de son manque de sang-froid et pour qu'il ne soit pas nécessaire d'invoquer l'ambivalence ou même la chaleur de l'orgueil devant la haine passionnée que revêt le langage du marquis chaque fois que se réunissent sous sa plume les 4 lettres du mot « Dieu ». Nous conclurons de la sorte. Sade contre Dieu, c'est Sade contre la monarchie absolue, Sade contre Robespierre, Sade contre Napoléon, c'est Sade contre tout ce qui constitue de près ou de loin une mainmise, de quelque nature qu'elle puisse être, sur la toison éclairante de la subjectivité de l'homme. Oh non ! Non ! Sur tout ce que j'ai de plus sacré,